And dans l'entame ici, Baba Rivière, papa y voisine, t'es qu'à baigner, oui, tout tourné. C'est un film moderne, papa voit ça encore. Ou pas t'es qu'à attendre, tel monde est vers un tel. Ou pas t'es qu'à attendre, tel monde panne yo pour femme. Mais y'a présent là, pas un garçon, hein. Si ni 36 femmes, mon Dieu, Seigneur, pour y'a un message de la vie. Mama oh mama, mama oh mama, sur les ponts des morts, les ponts des vivants. Mon cher Santana, on caille par les bars, tout ça ou qu'a dit là, c'était en temps longtemps. Mais quand hier en nous n'y sommes ni vaillants, nous n'y sommes ni ardents, on m'en ni bon brissant. Est-ce qu'elle aurait marqué tout vaillant guerrier, tout valéré guerrier, de tout Dieu était tranquille. Bien temps longtemps, tout le monde était comme moi. Tout ça depuis des maladies, ça partait tellement préoccupant. Une nouvelle maladie vient déclarer la médecine qui a décrété. Ça m'a vite pas voir complètement. Par transfusion sanguine, longtemps ça déjà là, longtemps ça t'en vigueur. Même par la voix du gal, yo dit pas voir arrêter sa maman ou maman. Pourquoi vous voulez mort? Quand on moins bouleversé, pas ni guérison. À présent, bon Dieu, les rencontres en jeunesse, faut ou mandeli, qui dernier prise de sang à l'île. Les grands spécialistes, y'a qu'à conseiller, aïe, vrai pharmacien, pour préserver pour ta ça. Si on voit, on perd ses bouteilles, si on fait ça, c'est péché. Maman, oh, maman, oh, maman, oh, maman, oh, oh, oh. Venom avance, wa ya ya. Non, m'ka refuse, ka y passe. Mama ou mama, moi qui mort. Pourquoi pleure? Quelques années, j'en ai sympathie là, tout le monde gagne anti-sida. C'est quoi cancer? Tout le monde non cancer, mais il faut pas bien développer. A cas besoin de rendez-vous, même l'hôpital là, parce qu'on a pas pensé que passer par là aussi. À très bientôt!